Léonce Vitariho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Près de 15 milliards de francs burundais d'exonération ont été enregistrés par l'API, agence pour la promotion des investissements, au cours du premier semestre de l'année en cours. Des exonérations qui dépassent la majorité selon le directeur général, vous l'entendrez dans ce journal. L'association burundaise des consommateurs dénonce ce qu'elle qualifie de manque de planification de la part de la régie des eaux. L'organisation s'exprime par rapport à la pénurie d'eau qui s'observe en séjour dans le quartier Nyabagere en zone urbaine de Gihosha. La mise en application de la mesure exigeant la stabilisation permanente en province de Lumongue au sud sera effective avec le mois de septembre de l'année en cours. Cela va dans l'intérêt des éleveurs et des agriculteurs selon le gouverneur provincial. Et vous aurez aussi droit à la chronique santé, ce sera pour parler du traitement des cardiopathies congénitales. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Environ 15 milliards de francs burundais d'exonération ont été enregistrés par l'agence de promotion des investissements au cours des 6 derniers mois. Lors de la présentation ce mardi des réalisations semestrielles, Léonard Senhore, directeur général de l'API, explique que ces exonérations dépassent la majorité car les investisseurs se multiplient. Il dit également que plus de 800 emplois ont été créés. Montrons également les exonérations pour deux investisseurs suite effectivement à ces montants qui ont été investis. Et vous avez de janvier à juin les chiffres qui totalisent autour de 14,7 milliards de francs. Là, j'insiste pour dire que quand vous constatez ce montant d'exonération, il faut le comparer avec ce que nous avons gagné comme investissement. Nous l'avons cité avant, c'est autour de 60 milliards. Donc, ce fait que quand vous donnez des exonérations, ça montre qu'il y a une activité économique soutenue et en conséquence, il y a des emplois qui sont créés et après, l'État aussi peut récupérer à travers les impôts et sur les revenus des entreprises, mais également les impôts sur les rémunérations des employés qui sont recrutés par ces entreprises. Et pour ce qui est de la création des emplois, nous constatons que sur 466 emplois qui étaient projetés, et les emplois effectivement créés sont au nombre de 1157, soit un taux de réalisation de 5,4%, ce qui est vraiment encourageant et nous félicitons ces entreprises parce qu'ils ont pu créer un nombre suffisant d'emplois. Mais sur un autre aspect, nous constatons que sur ces emplois créés, 705 sont déclarés à l'INSS, soit 82%, et seulement 282 payent les impôts professionnels sur les ménages, soit 32,78%. Les lois qui ne facilitent pas le secteur privé au Burundi constituent encore une des entraves de ce secteur. Dans une conférence de presse ce mardi, le président de l'organisation PARSEM, Parole et Action pour le Réveil des Consciences et l'Évolution des Mentalités, considère que les déclarations de l'Agence de promotion des investissements faisant état de l'élargissement du secteur privé n'est pas réel sur terrain. Faustin Dikoumana a dit que la politique d'industrialisation n'est pas non plus développée. Suivez. C'est le secteur privé qui fait vivre l'État. Le secteur privé disponibilise les biens et services sur le marché. Les biens et services, la production, on la doit grâce au secteur privé. Le service, c'est l'innovation du secteur privé. C'est bien lui qui fait vivre les citoyens. L'emploi, la lutte contre le chômage. Il fait tourner l'argent. Un opérateur économique qui a une idée, il contacte un crédit au sein d'une institution financière. Il fait tourner l'argent. Et chacun, il gagne son compte. C'est le bougeage des opportunités qui devait s'ouvrir à travers la promotion du secteur privé. Pas de petite et moyenne entreprise pour générer la classe moyenne. La petite et moyenne entreprise qui génère la classe moyenne. On l'a vu récemment, l'organisation du salon de l'industrie. Comme d'entreprises qui ont participé dans ce sens. Le foire là à Tempête. Est-ce que vraiment ça c'est un foire pour incarner un secteur privé dans un pays? Les chiffres trompeurs de l'API, on publie 6 000 entreprises créées. Juste pour s'inscrire, quand on dit qu'une entreprise a été créée. Il faut qu'une entreprise opérationnelle qui disponibilise les services dont j'ai évoqué tout à l'heure. Il n'y a pas de politique d'industrialisation. Ce secteur maintenant contribue et peu dans le PIB global. Ce n'est comme dans le temps. Il y avait des créations visibles d'entreprises, Côte d'Ivoire, Burundi. C'est ça l'industrialisation. Les zones économiques spéciales dans notre pays, où sont-elles ici? L'absence d'investissement direct étranger, les faibles de nos exportations, le made in Burundi ou est-il? Nous exportons quoi? L'informel dans la finance. Pas de marché financier visible. L'endettement public. Le gouvernement maintenant s'endette pour les dépenses de fonctionnement. Comment vraiment être dynamique comme prêteur économique? Si vous êtes importateur, vous manquez de devises, il vous manque de devises à importer. La pénurie d'eau qui se remarque dans le quartier Nyabagéré de la zone Guiocha est due au manque de planification au sein de la régie des eaux. Cela est indiqué du moins par le président de l'association burundaise des consommateurs, Abuko en sigle. Noël Nkurunziza, président de cette association, dit que la régie des eaux aurait dû se préparer dès le départ pour faire face à l'extension de la ville de Bujumbura en vue de continuer à mieux approvisionner tous les quartiers de la ville en eau. Suivez. Au niveau de la Boko, nous sommes sur plus qu'une entreprise de l'État comme la Régie des eaux, qui d'ailleurs doit être impliquée dans toute planification de construction d'un nouveau quartier, doit être impliquée au premier plan. La ville a augmenté de dimension et qui sont capables finalement de suivre cette évolution, alors qu'ils devraient normalement, dans leur planification, prévoir cette augmentation, même être proactif. C'est une situation qui dépasse finalement l'entendement dans le monde actuel où les sociétés, en public et privé, doivent planifier sur le court et le moyen terme, pour que finalement ils ne suivent pas les événements, mais ils avancent les événements. Selon vous donc, c'est le manque de planification qui serait à la cause de cette pénurie d'eau? Absolument, c'est le manque de planification et d'ajustement de certains plans, parce que s'ils devaient planifier, ils ne devaient pas être surpris d'une extension éventuelle de la ville, ils devaient plutôt être proactifs et être déjà préparés à l'avance. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la situation? La première chose, c'est une obligation de planification, mais aussi de suivi de ce plan. Je pense que les instances qui ont le suivi des activités de la ville dans les attributions puissent effectivement vérifier et voir s'ils sont en train de planifier et non pas suivre les événements, mais d'avancer les événements. Une rafle est en train d'être menée depuis lundi contre des motards de la commune urbaine de Narangwa. Les conducteurs de motos se plaignent contre cette action de la police. Ils expliquent que même ceux qui ont des documents au complet sont arrêtés. Pour que la moto soit libérée, selon certains motards qui se sont exprimés sur la radio Isanganiro, il faut payer entre 30 000 et 60 000 francs burundais. Nous n'avons pas encore eu les autorités de la police pour qu'elles s'expriment à ce sujet. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Des élèves finalistes du lycée municipal de Gasegni en mairie de Bujumbura demandent que la date de passation de l'examen d'État leur soit annoncée. Ils disent tout de même qu'ils se préparent à cet examen pour tenter leur chance d'accéder à l'enseignement supérieur. Suivez-les au micro-baladeur de la radio Isanganiro. Moi, je me prépare comme tant d'autres examens parce que c'est pas la première fois que je fais l'examen. Alors, pour l'examen d'État, je me prépare très bien. Pour le moment, je suis en train de mémoriser la géographie parce que la géographie aussi appartient dans cet examen. Ce qu'on me demande, c'est premièrement d'annoncer la date précise. Ici, on est en train de mémoriser le cahier ici parce qu'on veut faire l'examen dans les jours à venir. Avez-vous déjà rencontré quelques problèmes pour préparer cet examen? Oui, il y en a beaucoup parce que ici, et même si les élèves venir ici, mais il y a aussi des autres problèmes dans la vie courante. Tu sais, ici dans notre monde, il y a beaucoup de problèmes. Même si nous arrivons ici, on est en train de faire tout le possible pour avoir réussi à l'examen d'État. Nous sommes en train de faire l'étude pour se préparer à l'examen d'État. Mais je suis en train de faire l'étude dans mon cahier. Aujourd'hui, non. Mais les autres jours, il y aura. Comme tu vois, ici, nous sommes ici pour préparer ensemble l'examen d'État édition 2018. Nous sommes ici, nous tous, pour faire ensemble des épreuves type pour nous aider à mieux comprendre. L'association YBSP, en anglais Youth Building in Synergy to End Poverty, appelle les jeunes à se mettre ensemble pour la réussite de leur projet. Il faut s'engager avec un même cœur, selon Jean-Paul Sengoumouleni, le coordinateur de cette organisation qui prend en charge les enfants vulnérables. 41 ans parmi ces enfants viennent en effet de terminer l'année scolaire grâce à son initiative Onela Mucho. Jean-Marie Sengumuremi, responsable des enfants vulnérables au sein de l'association Youth Building in Synergy to End Poverty, indique que ce sont 10 enfants dont cette association a déjà donné du matériel scolaire pour étudier. Ce sont 41 qui ont terminé l'année scolaire. Il fait savoir qu'une des raisons qui pousse ces enfants à ne pas terminer, c'est d'avoir un âge avancé à la normale. On avait prévu 70 élèves qui devraient étudier, mais parmi les 70, il y a 44 qui a terminé l'année. Parfois, il y a les enfants qui avaient eu plus d'âge. Par exemple, ceux qui avaient 12 ans, si on leur demande d'aller en première année parce qu'ils n'ont pas pu passer au banc de l'école, et ça causait des difficultés. On voit que si on essaie de regarder, c'est la réussite, celle de l'association. À côté de cela, il dit qu'il y a d'autres qui ont préféré retourner dans la rue. Et aussi, le problème qu'on a eu, c'est qu'il y avait des enfants qui quittaient de l'école, mais qui restaient à la maison sans rien faire. Alors, ils préfèrent d'abandonner ou de ne pas aller à l'école parce qu'ils n'ont pas mangé. À part de prendre en charge ces 70 enfants qui vivent normalement dans leur famille, il y a 5 autres que cette association a préféré héberger puisqu'ils n'ont pas pu retrouver facilement leur famille. Certains parmi eux disent être satisfaits comparativement à la vie qu'ils menaient dans la rue. La vie que j'avais dans la rue est très différente de celle que je mène aujourd'hui. Maintenant, j'ai une belle vie. Dans la rue, il arrivait des fois que je ne trouvais pas de quoi à manger. Je rencontrais beaucoup de difficultés. La vie était vraiment trop difficile. Moi, je m'appelle Nouahimana Gérard. Je suis l'un des enfants qui vivaient dans la rue et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un en charge de cette association. Et maintenant, je vis bien. Ces enfants demandent à ce que d'autres personnes s'investissent pour venir en aide aux enfants en situation de vulnérabilité. Merci Ornella. Je vous le disais en titre, l'application de la mesure exigeant la stabilisation permanente en province de Lomongué doit être effective avec le mois de septembre prochain. Le gouverneur de Lomongué dit que c'est pour l'intérêt des agriculteurs et des éleveurs. Les éleveurs estiment que cette mesure est précipitée, contrairement aux agriculteurs qui trouvent que cette mesure a plutôt tardé à être prise. Jean-Pierre Misago. Pour certains des agriculteurs de Lomongué qui se sont exprimés, la mesure visant la stabilisation permanente dans la province de Lomongué dès septembre prochain est la bienvenue et a même tardé à être appliquée. Selon eux, elle limiterait les heures entre cultivateurs et éleveurs et arrangerait les deux parties. Les éleveurs, quant à eux, trouvent qu'il est encore tôt pour appliquer cette mesure. Ils estiment en effet qu'il n'y a pas de mesure d'accompagnement pour que l'élevage ne soit pas jeté dans les oubliettes. Pour cela, la mesure du gouverneur de Lomongué devrait attendre la promulgation de la loi relative. Pour Juvenal Bigirimana, gouverneur de Lomongué, la stabilisation permanente commence bel et bien avec septembre prochain dans cette province pour l'intérêt et des cultivateurs et des éleveurs. D'ailleurs, pour ce gouverneur de Lomongué, cette province ne peut pas faire exception. Les cultivateurs, les éleveurs, les administratifs et la police de la commune de Lomongué s'étaient rencontrés ce lundi à Lomongué pour avoir une même lecture de la décision du gouverneur de Lomongué prise en avril 2018 en rapport avec l'application de la stabilisation permanente dès septembre prochain. Jean-Pierre Misago de Lomongué, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Les enfants mendiants sont de nouveau dans les rues de la ville de Gitega au centre, alors que plus de 50 avaient été réintégrés dans leur famille. Cela est dit par Emma Nishimana, responsable du centre de développement familial à Gitega. Ces enfants expliquent leur retour par le fait qu'ils n'ont pas eu le kit comme promis, mais ce responsable dit que ceux qui sont restés chez eux l'auront et que même ceux qui sont retournés dans les rues seront ramenés chez eux. Près de 200 personnes passent ce mardi à Muyinga un test pour avoir les permis de conduire. Les responsables des auto-écoles demandent la régularité de tels tests car cela fait environ 5 ans qu'un test pareil avait été organisé dans cette province. Les analphabètes n'ont pas été autorisés à passer l'épreuve, n'est-ce pas, Dieudonné Zeyman?

correctionnel pour son genre de cardiopathie, ça vise effectivement à diminuer le sang, alors ça demande à ce qu'on ouvre le cœur. Bien que la chirurgie cardiaque soit possible localement, certains cas exigent des moyens non encore disponibles. Le chirurgien cardiothoracique Pierre Claver-Nyonzima estime que des efforts synergiques devraient être consentis à plusieurs niveaux. Francine Ndeokbayo, et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à tous. Au revoir. Ufisi miaka cumi n'itandatu gushika kuri mirongo itatu jana n'ibihe na biramara wirongere amamega ku bwinshi masugu muri top ushushe mu bijyanye n'umuziki udukuru twijya nino widagadure muri Facebook na WhatsApp ataco winona ku munsi umwe iminsi indwi cyangwa iminsi mirongo itatu umva Zonda akanyenyeri kane ubusa kane akadirisha nibigucike nawe jana nibihe na Econet Leo Econet Leo turi kumwe namwe Kuna kanuzewe, abantu b'indyarya, nkamuhamera nti shirira mawe, munyuma kayarya, ndere yanawe narayemuhaye nti shirira mawe, none nguye na telefone nacitaba, nake ndabitere gutari kurabona kanuzewe, agagamara mara. Shaura ntwengeje kwi, urashanyuma y'amacambere koko. None no bigenza gute? Wifuza guhindura uko wari ubayeho, gwo ushaka kubuzima bwawe goroha gusumba. Koresha EcoCash. EcoCash ni umugambi wishyira hamwe Econet Leo w'ukurungika no kwakira amafaranga ukoresheje telefone yawe ngendanwa. Hamwe na EcoCash ukoresheje telefone yawe ngendanwa. Aho wibereye hose rungika wongere wakira amafaranga akanyide. Ivyo